Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les entreprises halieutiques 27 mai et 8 janvier de l'Armée Populaire de Corée, qui remportent des succès sans précédent dans la pêche de poissons, avec le sous-maréchal Fang Byung-soo, chef de la direction politique générale de l'Armée Populaire de Corée, et le colonel général Son Hong-chan, premier vice-ministre des Forces armées populaires. Il a tout d'abord visité l'entreprise halieutique 27 mai de l'Armée populaire de Corée, construite comme exemplaire et standard des entreprises de pêche de notre pays. Il a dit notamment « Je suis venu ici, malgré des affaires d'État, pour mettre au courant dès que possible de la grande abondance de la pêche de poissons jamais vue à tout le peuple du pays, informé de la construction modernisée de l'entreprise de pêche 27 mai de l'Armée populaire de Corée et de la pêche des milliers de tonnes d'Arthroscopus japonicus seulement ces derniers jours. Sur le chemin de navigation, j'ai regardé à bord du bateau l'entreprise et des logements évoquant un tableau de peinture. Un village de pêche extraordinaire est surgi au littoral est. Les militaires ont construit à merveille tous les projets qui ne laisseraient rien à désirer. Cette zone a changé d'aspect en une année. Je m'incline la tête devant l'esprit d'application au prix de la vie de l'Armée populaire de Corée, qui fait l'impossible s'il s'agit de la décision du parti. » Le maréchal Kim Jong-un a fait remarquer qu'il faut enregistrer dans une page de l'histoire de construction d'un pays riche et puissant les exploits des militaires bâtisseurs manifestés dans la construction de l'entreprise halieutique 27 mai de l'Armée populaire de Corée pour que les nouvelles générations les apprennent avant de les remercier au nom du commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Et de continuer. Rien qu'à voir des matériaux didactiques flottants rattachés au milieu de la mer, on peut bel et bien savoir comment l'armée populaire applique la politique du parti selon laquelle on peut créer bel et bien tout sur le néant si on fait appel au moral de l'homme. Cette année, par exemple, l'armée populaire a su faire vraiment une grande chose partout dans le pays, sans parler de la campagne du rétablissement des régions nord sinistrées. Le secret est là où le travail politique intensif du parti au sein de l'armée populaire est approprié à la circonstance et aux militaires, tout comme au front. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de la salle de commande intégrale de l'atelier de transformation frigorifique et de l'atelier de conserve. Il s'est montré content de l'établissement parfait du système météorologique, du système de commande maritime, du système de commande de transformation de poissons, du système de surveillance des machines et de l'électricité, du système de commande de réparation de bateaux, etc., en adoptant des techniques de pointe avec un objectif de conformer l'informatisation et la scientifisation de la production et la gestion, notamment les recherches de pêcherie et la pêche, à l'époque de l'économie du savoir. Il a ajouté des appareils de congélation ultra rapides et des frigorifiques modernes d'une capacité de milliers de tonnes sont aussi installés et tous les processus de transformation tels que lavage de poissons, sélection, alimentation d'une quantité déterminée, mesurage automatique, alimentation d'eau, congélation rapide et décongélation sont automatisés en chaîne et robotisés. Surtout, c'est vraiment spectaculaire que le robot déplace les poissons congelés. Un gage est jeté sûrement pour approvisionner les militaires et les civils toutes les saisons en poissons frais, tout en économisant les mains-d'œuvre et assurant l'hygiène. Regardons avec joie à bord, vider du bateau les poissons qu'on vient de pêcher, la cascade de poissons tombés au débarcadère à ciel ouvert et les poissons entassés comme lingots d'or dans tous les entrepôts frigorifiques. Il s'est informé aussi de l'état de pêche de poissons. Il a souligné « Tous les ports du littoral est sentent les poissons et je me sens joyeux à la pensée que les parents qui ont envoyé leurs enfants au poste de la défense de la patrie seront très contents. » Informé tous les jours de la grande pêche de poissons dans le secteur halieutique de l'armée populaire, je voulais même danser à une grande joie. Quand j'inspectais il y a quelques jours des troupes de défense insulaire, j'étais très content de voir sur la table les poissons pêchés dans la mer de l'Est. Après avoir fait le tour aussi de la maison de la culture et du quartier des logements à multiples étages pour pêcheurs, il a apprécié haut les militaires bâtisseurs qui les ont bien construits suivant l'intention du parti. Le maréchal Kim Jong-un s'est montré convaincu que les cadres et autres personnels de l'entreprise de pêche 27 mai de l'armée populaire soutiendront l'intention du parti par de plus grands succès dans la pêche de poissons sans se contenter de leur réalisation et s'est fait photographier en souvenir avec eux. Le maréchal Kim Jong-un s'est ensuite rendu à l'entreprise halieutique 8 janvier de l'armée populaire de Corée. Faisant le tour de divers endroits, notamment le quai où les poissons tombent comme cascades, il s'est renseigné en détail sur la pêche de poissons. Il a dit « Je suis vraiment content et je me remets des fatigues complètement à voir les poissons entassés à fournir jusqu'en septembre de l'année prochaine. Cette entreprise vaut la peine de construction. » Les cadres et les pêcheurs de l'entreprise halieutique 8 janvier de l'armée populaire de Corée ont fait beaucoup de peine pour pêcher beaucoup plus de poissons en partageant mon cœur d'alimenter des poissons tous les jours, les orphelins et les personnes âgées dans les maisons de retraite. J'apprécie haut les mérites des pêcheurs qui ont dépassé avant terme le plan de pêche de cette année en luttant contre la tempête. L'entreprise halieutique 8 janvier de l'armée populaire de Corée est une entreprise dont le parti fait grand cas le plus. Il s'est montré convaincu que les cadres et autres personnels pêchent beaucoup plus de poissons avec le même cœur des parents des orphelins et des enfants des personnes âgées en retraite pour les envoyer à toutes les crèches, écoles maternelles, écoles primaires et secondaires pour orphelins et les maisons de retraite avant de se faire photographier en souvenir avec eux. Le maréchal Kim Jong-un a dit qu'il se remet de toutes les fatigues à l'odeur des poissons exhalant dans l'enceinte des entreprises de pêche 27 mai et 8 janvier de l'armée populaire de Corée, à Rome de la mer socialiste, et que c'est un paysage vraiment extraordinaire. Il a dit que les cadres et pêcheurs du secteur de pêche de l'armée populaire ont confirmé à travers les succès de pêche de poissons miraculeux que la politique du parti est juste une science et une victoire, en défendant le prestige du parti ainsi que la confiance du peuple envers notre parti. Il a ajouté que quand le secteur halieutique civil se contentait d'un petit succès, les cadres et pêcheurs du secteur de pêche de l'armée populaire ont pêché une grande quantité de poissons incomparables et impensables pour le civil, et que ce secret est là où on accepte comme le sien l'appel du parti à inaugurer une histoire de la mer d'or et met en évidence une détermination extraordinaire et l'esprit d'application de l'idée et de l'intention du parti au prix de la vie. Il a présenté des tâches de valeur de programme pour le secteur de pêche, notamment adhérer à la pêche scientifique de façon à pêcher les poissons sans égard aux saisons, parvenir à un haut niveau de scientifisation, modernisation et informatisation de production et gestion, adopter de son mieux des méthodes de pêche avancées, augmenter la quantité de pêche par sortie de bateau et par filet, sortir plus de 300 jours dans la mer pour ne pas la vider toutes les saisons, équiper des appareils de congélation ultra-rapide et frigorifiques modernes, s'intéresser en profondeur à soigner bien la vie des pêcheurs et livrer énergiquement l'émulation socialiste entre des entreprises de pêche et des bateaux. Le maréchal Kim Jong-un a invité avec instance à appliquer loyalement les recommandations des grands leaders de pêcher les poissons et dans la mer proche et au large, et de pêcher en sortant et en rentrant pour envoyer beaucoup plus de poissons aux militaires et civils.